No woman. Quand tu fais tout tout seul, ça ressemble souvent à ce que t'as envie. Souvent c'est joli. Tout seul.